Huitième signe. Michael se tiendra et sonnera trois fois dans le chauffard, comme il est dit, et il arrivera qu'en ce jour-là, on sonnera du grand cor. Alors viendront ceux qui se meurent au pays d'Assour et ceux qui sont bannis au pays d'Égypte. Ils adoreront Yahvé sur la montagne sainte, à Jérusalem, et il est écrit, « Alors le Seigneur apparaîtra au-dessus d'eux et sa flèche jaillira comme l'éclair. » Le Seigneur Dieu sonnera de la trompe et il s'avancera dans les ouragans du sud. Au premier son du cor se manifestera le Messie, fils de David, et Élie le prophète, au juste d'Israël qui avait fui dans le désert de Juda. À la fin des 45 jours, leur cœur reviendra en eux, et leurs faibles mains redeviendront fortes, et leurs genoux flageolants seront raffermis. Et ce qui reste Israël dans le monde entier entendra le son du cor, et ils sauront que le Seigneur les aura visités, et que la rédemption complète sera arrivée. Ils se rassembleront et viendront, comme il est dit, et il arrivera qu'en ce jour-là, on sonnera du grand cor. Alors viendront ceux qui se meurent au pays d'Assour, et ceux qui sont bannis au pays d'Égypte. Ils adoreront Yahvé sur la montagne sainte à Jérusalem. À cause de ce même son, tomberont sur les nations du monde crainte et tremblement, et des maladies mauvaises arriveront sur eux. Et Israël se décidera à sortir, et le Messie, fils de David, viendra, ainsi qu'Élie le prophète, avec les justes qui reviendront du désert de Juda, et avec tout Israël qui se rassemblera. Il viendra à Jérusalem et montera par les escaliers de la maison des restes du temple, et il s'assiera là. Armélus entendra qu'il y aura un roi en Israël et dira « Jusqu'à quand cette nation vile et faible fera cela ?» Aussitôt il rassemblera toutes les armées des nations du monde et il viendra pour combattre le Messie du Seigneur. Mais alors le Saint, béni soit-il, ne l'obligera pas au combat et lui dira « Reste à ma droite » et il dira à Israël « Tenez-vous là et regardez le salut du Seigneur qu'il fait pour vous en ce jour. » Aussitôt le Saint, béni soit-il, combattra contre eux, comme il est dit. Alors Yahvé sortira pour combattre les nations, comme lorsqu'il combat au jour de la guerre. Et le Saint, béni soit-il, fera tomber du feu et du soufre des cieux, comme il est dit. Je le châtierai par la peste et la grêle. Je ferai tomber la pluie torrentielle des grêlons, du feu et du soufre sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui sont avec lui. Aussitôt l'impie Armélus mourra, lui et toute son armée, ainsi qu'Édom l'impie, car ils avaient détruit la maison de notre Dieu et nous avaient exilés de notre terre. Alors Israël fera dans le Seigneur une grande vengeance, comme il est dit, la maison de Jacob sera du feu, la maison de Joseph une flamme, la maison d'Ésaü du chaume, elles l'embraseront et la dévoreront. Et nul ne survivra de la maison d'Ésaü. Le Seigneur a parlé.